Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le moment du journal. Voici les grandes articulations de ce journal, la dernière édition de ce 30 septembre 2016. Cinq jours après la rentrée scolaire 2016-2017, certains enseignants ne se sont pas encore rendus sur leur nouveau lieu d'affectation après le redéploiement. Ils sont allés manifester leur colère devant le ministère de l'Éducation. Vous entendrez certains d'entre eux dès le début de ce journal. Et l'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers condamne les arrestations et emprisonnements abusifs observés ces derniers jours. Alors que deux femmes, une Rwandaise et une Tanzanienne, viennent de passer beaucoup de jours au cachot du commissariat de police à Karusi, elles sont là pour enquête, dit-on au Service national de renseignement dans cette province. Les administratifs réfutent le rapport du HCR sur le nombre de personnes ayant déjà fui le pays. Dans ce journal, vous suivrez la réaction du maire de la ville de Bujumbura et des militaires. Se comptent parmi ceux qui ont quitté l'armée et le pays. Le porte-parole de la force de défense nationale nous dira qu'ils ont leurs propres raisons. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Cinq jours après la rentrée scolaire 2016-2017, certains enseignants ne se sont pas encore rendus sur leur nouveau lieu d'affectation après le redéploiement. Ils sont allés manifester leur colère devant le ministère de l'Éducation, disant que la commission en charge de cette opération n'a pas respecté les conditions de travail des uns et des autres. Ils demandent au ministère de tutelle de trouver une solution à cette question. Les détails avec notre reporter qui les a rencontrés devant les locaux du ministère de l'Éducation, Yves Monziman. Arrivé au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, tu vois en premier lieu un va-et-vient des enseignants qui expliquent qu'ils sont venus faire le recours en ce qui concerne le redéploiement comme celui-ci l'indique. Je travaille à Karusi, à l'école primaire de Nyamugari. Je suis arrivé là-bas en 2012. Je venais de Gitega. On m'a envoyé de travailler dans un autre DCI de Mutambu, dans un coin reculé appelé Gakara, c'est-à-dire à plus de 30 km à partir de la route de avec mon état de santé. Cet état de santé qui m'avait poussé de quitter Gitega pour Bujumbura afin de m'approcher des médecins capables de me soigner. Je suis séropositif sida. Je suis diabétique. Pour des gens qui savent ces maladies, ce sont des maladies qui nécessitent un suivi régulier. Pendant qu'on nous a dit que je suis déployé, j'ai essayé de demander un recours. J'ai écrit, j'ai mis des pièces, ce que j'appelais des pièces justificatives. C'était une attestation médicale signée par un médecin. Malheureusement, cette attestation n'a pas été considérée. On m'a demandé pour ce qu'on appelle la fiche médicale du médecin, ce qui ne se fait pas en médecine, mais par pitié, le docteur a vu qu'il faut qu'il me donne ce dossier, il me l'a donné. Maintenant, je circule avec le dossier, j'ai manqué à qui le donner parce que chaque fois que je me présente, je trouve le concerné absent. La plupart de ces enseignants expliquent qu'ils ont un problème lié à la santé. Moi, j'ai un problème de santé suite à cet âge. J'ai des maladies multiples. Moi, je n'ai même pas des pièces justificatives parce que j'ai un problème de me soigner, de faire des examens. Mais il y a un docteur qui m'a fait un rapport que je ne peux pas faire un long trajet de 3 km, mais apparemment, on ne nous écoute pas. Tous ces enseignants demandent à la commission chargée de redéploiement de respecter les conditions liées au redéploiement. C'est la même situation que nous rapporte notre correspondant Mngaro, où des enseignants redéployés se plaignent de n'avoir pas été réhabilités dans leurs droits après leur recours. Ils estiment que la commission n'en a pas tenu compte. Des erreurs subsistent donc, raison pour laquelle ces enseignants demandent à la commission d'analyser leurs réclamations. Les détails avec Laurent Dicourio. Selon certains de ces enseignants qui ont été redéployés en province Mwaro, certains critères fixés par le ministère de tutelle n'ont pas été respectés. Ils disent qu'à certaines écoles, un enseignant redéployé pouvait être remplacé par un autre de même niveau. Ils disent qu'il y a certains cas où un enseignant pouvait être remplacé par un autre, pourtant moins ancien par rapport au premier. D'autres disent qu'ils n'étaient pas désignés pour le redéploiement au premier tour, mais ils se sont retrouvés sur la liste des enseignants redéployés après l'analyse des recours. Aussi, les enseignants qui ont été amenés dans d'autres provinces scolaires comme ceux de la commune Gisozi qui ont été redéployés dans la province de Bujumbura disent qu'ils n'ont pas été reçus car là aussi les places sont saturées. D'après toujours ces enseignants, il y a certaines salles de classe qui n'ont pas toujours d'enseignants alors qu'il n'y a pas d'enseignants suppléants qui ont été affectés ni ceux chargés de l'encadrement des élèves. Il précise que certains responsables d'école n'ont pas mentionné le nombre réel d'années que l'enseignant vient de passer dans la carrière. À ce sujet, le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro, Saratil Nakamulenga, se garde de tout commentaire. Il dit qu'il ne peut rien changer du travail accompli par la commission. Le gouverneur de la province Mwaro, Jean-Marie Nyakaregwa, dit que ceux qui sont chargés de cette activité pourraient analyser ces cas car certaines erreurs se remarquent. de Moaro, Laurent Decourio, Radio Sanganiro. Merci Laurent, éducation toujours avec cette campagne dite Retour à l'école, édition 2016, lancée aujourd'hui à la nouvelle école fondamentale de Wousebga en province Rumangue. Une école inaugurée à la même occasion. Pour la première fois donc, cette campagne annuelle de l'UNICEF couvrira toutes les provinces du pays et permettra à chaque enfant de l'école fondamentale de recevoir des matériels scolaires de base pour bien commencer l'année. Plus de 2,6 millions d'enfants burundais recevront un kit contenant des cahiers, un stylo, un crayon, une règle, une gomme et un sachet écolier. La distribution de ces matériels rendue possible grâce au financement du Fonds commun pour l'éducation se fera jusqu'à fin décembre. En plus de la distribution des matériels aux enfants, 32 000 salles de classe du Burundi recevront des kits d'enseignants et de la CRE afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'UNICEF précise que la campagne Retour à l'école a été conçue pour favoriser le retour, le maintien et la réussite des enfants à l'école dans un contexte économique fragilisé par la crise, en permettant notamment de réduire les coûts liés à la scolarité pour les familles les plus vulnérables. La radio de l'avenir. Le récent rapport du Haut Commissariat des réfugiés faisant état de plus de 20 000 Burundais qui ont déjà fui le pays depuis juillet de l'année en cours dans cinq provinces, dont la ville de Bujumbura, ne colle pas à la réalité selon Freddy Mbonima. C'est le maire de la ville de Bujumbura. Il indique que sur 10 000 citadins qui avaient fui, 7 000 ont déjà regagné la capitale. Il demande à sa population de ne pas être distraite par ce qu'il appelle de faux rapports. Suivez Freddy Mbonima, joint au téléphone par Placide Niyomwongere. C'est vraiment un rapport archi faux. Et nous nous posons la question pourquoi le RAS est une organisation internationale qui s'amuse à lancer des faux rapports. Mais je vois que c'est une dynamique qu'on constate dans ces jours où le Burundi, il y a des organismes internationaux qui s'amusent à terminer l'image, mais tout le monde est tranquille. Donc si on a fui, la vie est normale, les enfants vont à l'école, les gens travaillent habituellement. Donc c'est un faux rapport et c'est dommage. Nous savons qu'avec la fin du mois d'avril 2015, il y a une partie de la population qui a fui la capitale de Bujumbura. Est-ce qu'on peut savoir ceux qui ont déjà regagné la capitale au cours de ce trimestre passé? Oui, effectivement, au cours de l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui ont fui le pays. Selon les statistiques que nous avons, les gens qui sont rentrés au pays, ils sont autour de plus de 7000 personnes. Même ceux qui restent encore à l'extérieur, nous sommes en contact pour leur demander de regagner le bercail. Est-ce que la mairie collabore avec le RASEL pour identifier ceux qui souhaitent partent ou ceux qui regagnent le pays? Effectivement, nous avons un département qui s'occupe du social et qui travaille étroitement avec les agences de l'ONU, particulièrement avec le RATR, travaillant souvent avec eux pour harmoniser certaines situations. C'est nous décourage et nous rend mal à l'aise. Ce sont des rapports qui lancent dans l'air sans aucune considération de l'administration. Je lance un appel à mes compatriotes citadins en leur disant qu'il ne faut pas être du par les faux rapports, pour qu'ils continuent à avancer à leurs occupations, à se développer, à développer leur pays. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, pour revenir sur les informations fournies par l'OACR à Bujumbura à propos des cas de rapatriement, notamment à Makamba. L'OACR reconnaît qu'il y a 29 000 Burundais qui avaient fui vers la Tanzanie et qui sont revenus, mais que ces derniers ne s'étaient jamais fait inscrire comme des réfugiés en Tanzanie. Entre-temps, le gouverneur de la province de Makamba avait précisé que 33 000 Burundais sur 45 000 originaires de cette même province qui avaient fui vers la Tanzanie sont revenus. L'OACR informe également que parmi les réfugiés qui avaient fui vers les pays voisins, 4 000 seulement sont revenus au pays. Rappelons que l'OACR a sorti un nouveau rapport faisant état de 300 000 Burundais réfugiés enregistrés dans différents pays limitrophes. Et les militaires se comptent parmi des Burundais qui ont fui le pays. Pour le porte-parole du ministère de la Force de Défense Nationale, ils auraient leurs propres raisons. Gaspard Baratouza l'a dit ce vendredi lors d'une conférence publique organisée à partir du chef-lieu de la province de Cibitoke par les porte-parole des institutions publiques. Colonel Baratouza s'est exprimé sur le comportement de son ministère face notamment à des cas de disparition de militaires et ceux qui s'exilent vers d'autres pays. Suivez-le. Il y a des infractions qui peuvent être commises par un militaire étant en fonction au sein de l'armée. Dans ce cas, il est puni par le règlement militaire. Un militaire peut commettre des fautes étant ou n'étant pas au service, mais avec des gens qui ne sont pas des militaires. L'article 261 de la Constitution dit que les tribunaux militaires n'ont pas les prérogatives de poursuivre quelqu'un qui n'est pas dans cette institution. Dans ce cas, lorsqu'un militaire commet une infraction ou se lance en politique avec des non-militaires, il est poursuivi ailleurs. Pour les cas de disparition, je n'en dis pas grand-chose. Les militaires ne sont pas aimés par tous. Nous n'abandonnons pas quand un militaire est porté disparu. Pour ceux qui s'exilent, il y a eu ces derniers temps beaucoup de rumeurs. Notre secteur n'a pas été épargné. Il y en a qui ont eu peur pour avoir vu leur nom circuler sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ça a pris fin. Celui qui s'en va, en tout cas, actuellement, aurait ses raisons, car nous sommes des humains. Il y en a qui ont des esprits légers et qui, pour des intérêts quelconques, abandonnent même leur service. Dans la suite de ce journal, deux femmes étrangères, une Rwandaise et une Tanzanienne, viennent de passer plusieurs jours au cachot du commissariat de police de Karusi. Le responsable du service de renseignement de la province de Karusi indique que ces femmes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Le reportage est signé Blaise Pascal Kararoumié. Les deux femmes étrangères, une Rwandaise et une Tanzanienne, toutes d'une cinquantaine d'années, sont au cachot du commissariat de police de Karusi. La Rwandaise qui s'appelle Christine, il y a 2 mois, et l'autre plus de 2 semaines. Arrêtée par le responsable de la police de renseignement de la province de Karusi, la Rwandaise du nom de Christine a été arrêtée dans la commune de Gihogazi et l'autre a été arrêtée à Nyaruhinda de la commune Gitaramuka. Ce responsable policier indique qu'il les a arrêtés pour des raisons d'enquête. Il explique que ces mamans n'ont aucun papier de leur identification ou bien un papier de séjour au Burundi. Ces femmes paraissent même comme des malades mentaux et cela est confirmé par certains des responsables de la police de Karusi. Le procureur de la République à Karusi et le responsable du service de renseignement indiquent qu'en collaboration avec la police des aires et frontières, PAF, ils vont sans tarder organiser le transfert de ces deux étrangers vers les frontières du Burundi avec le Rwanda et la Tanzanie, pour que les responsables administratifs et policiers de ces deux pays, au niveau de ces deux frontières, les récupèrent et pouvoir les remettre à leurs familles respectives, expliquent ces deux responsables de Karusi. Depuis la province de Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et l'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers AVDP condamne les arrestations et emprisonnements qu'elle qualifie d'abusifs. Jean-Pierre Onineretse, président de cette association, parle des cas d'une personne arrêtée en province Mungaro alors qu'il était allé à un enterrement et de celui d'une autre personne arrêtée ce mercredi à Makamba. Le président de cette organisation demande aux autorités d'arrêter cette pratique et de punir ceux qui le font. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers vient de sortir un communiqué où il regrette et condamne fermement les arrestations et emprisonnements abusifs qui s'observent dans les différents cachots et prisons du pays. Dans ces jours, nous observons qu'il y a des arrestations qui se font sans mandat comme prévu par la loi. Et exemple récent est l'arrestation de Kuriyo Jean-Claude qui a été interpellé lorsqu'il se rendait à l'enterrement de son père à Moire. Les policiers qui l'ont interpellé au cimetière n'avait pas de mandat. Un autre cas est celui qui s'est produit à Makamba où un président du parti a été arrêté aussi sans mandat. Pourquoi est-ce que votre association dit que ce président du parti a été arrêté sans mandat d'arrêt alors que la police nationale qui l'a arrêté affirme que le mandat lui a été montré? Avant de l'arrêter, les policiers qui l'ont arrêté n'avaient pas de mandat, mais le mandat lui a été signifié par après. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers saisit cette occasion pour demander aux autorités d'arrêter cette pratique et punir ceux qui le font afin que la dignité humaine soit respectée. Le droit à la présomption d'innocence est reconnu à toute personne accusée d'une infraction, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente à l'issue d'un procès public, durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Isanganiro. Les habitants de la zone Gwiza, commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, éprouvent des difficultés d'avoir des cartes d'identité auprès des services de l'état civil, alors que c'est un document administratif indispensable qu'on leur demande dans différents autres services. Ils demandent à l'administration communale de leur faciliter la tâche, surtout que c'est le seul administrateur qui appose sa signature sur ces cartes. Le point avec Evrard Hafzariman. Certains habitants de la zone Ebrisa en commune Mukaza sont l'amant de passer plusieurs jours à la recherche des cartes d'identité. Un de ces habitants nous relate les faits. Nous avons un problème lié à la carte nationale d'identité. Depuis le mois de juillet, nous avons demandé les cartes nationales d'identité. Nous avons déposé les documents à la zone Ebrisa et jusqu'à présent, aucune carte n'est signée. Nous éprouvons alors un problème sur tous les documents qui demandent la carte nationale d'identité, notamment les accès au retrait de nos fonds à la banque, la libre circulation. Nous confrontons a un problème lié à la sécurité parce que les forces de l'ordre, une fois vous arrêtez, vous demandez la carte nationale d'identité, vous êtes emprisonné, soit vous êtes emprisonné, soit vous donnez des amendes. Nous ne pouvons plus nous rendre à l'intérieur parce qu'après dans une commune à une autre, vous devez vous demander la carte nationale d'identité. Une fois ne pas en avoir, vous éprouvez tous les problèmes liés à la sécurité. Et s'ils demandent à l'administration, cette dernière leur signifie que le système a changé. Dans un premier temps et dans le temps, on a porté les cartes nationales d'identité à la commune Mukaza. Et maintenant, qui se déplacent pour signer ces cartes. Avec toutes les activités qu'il a, le temps pour se rendre à la zone et signer les cartes est vraiment très minime. Nous demandons à ce que les cartes nationales d'identité, étant donné que ce sont des documents isolés de tous les jours, de chaque jour, pour quelqu'un qui est majeur, que ce soit signé le plus tôt possible. Le chef de zone Ebrisa explique que l'administrateur se déplace dans le but de faciliter la tâche à la population. En plus, ce genre de document, combien important, ne peut mandater qui ce soit. Merci Evrard. Et pour terminer ce journal, des véhicules de transport rémunérés sont toujours en circulation malgré leur état technique défectueux puisque le gouvernement a interdit l'importation de véhicules de type main gauche depuis 2008. Cette réaction de Charles Nilameba, secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi à Trabou, intervient après la saisie ce jeudi de 40 véhicules par la police chargée de la sécurité routière. Il demande aux autorités policières de suspendre cette campagne afin que les transporteurs s'organisent pour remplacer les véhicules ne remplissant pas les critères techniques de transport rémunérés. Didier Niyonzima. Au moment où la plupart des 40 véhicules qui ont été suspendus suite à leur état déplorable par la police chargée de la sécurité routière sont ceux qui font le transport en commun, le secrétaire général de la Trabou admet qu'il y a des véhicules qui sont en fonction malgré leur état déplorable. Mais celui-ci explique que cette situation a été causée par le fait que depuis 2008, ils n'ont pas acheté de nouveaux véhicules pour remplacer ceux qui sont détériorés suite à la mesure du gouvernement qui empêche l'importation de véhicules de type main gauche. C'est fait, oui. Maintenant, depuis l'année 2008, que le gouvernement burundais avait pris la décision de suspendre l'importation des véhicules qu'on appelle communément main gauche. Et c'est à cause de cette mesure que tous les véhicules que vous voyez ici, ils sont dans des mauvais états parce qu'ils ne sont pas renouvelés comme c'était dans le temps. Charles Nilameba, le secrétaire général de la Trabou, sollicite l'aide du gouvernement au moment où la Trabou est en train d'élaborer un projet d'achat de nouveaux véhicules à partir de 2017 et demande à la police chargée de la sécurité routière d'être patiente en ce qui concerne la suspension des véhicules usés en attendant l'aboutissement de leur projet. La police de la sécurité routière et nous leur demandons effectivement d'être vigilant s'il y a un véhicule qui n'est pas en bon état, mais qu'ils essaient franchement de patienter un peu parce que, à moins que ce soit un véhicule où on trouve qu'il est vraiment dans un état déplorable, sinon ils peuvent patienter un peu. Et nous sommes en train de s'organiser. Nous espérons que d'ici l'année 2017, on va commencer à renouveler le charroi qu'on dispose ici. Le responsable de la police chargée de la sécurité routière avait indiqué que les 40 véhicules avaient été suspendus dans le cadre de prévenir des accidents causés par des véhicules détériorés. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grandes articulations. 5 jours après la rentrée scolaire 2016-2017, certains enseignants ne se sont pas encore rendus sur leur nouveau lieu d'affectation. Après le redéploiement, ils sont allés manifester leur colère devant le ministère de l'Éducation. Et l'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers condamne les arrestations et emprisonnements qu'elle qualifie d'abusifs observés ces derniers jours. Et 2 femmes, une Rwandaise et une Tanzanienne, viennent de passer beaucoup de jours au cachot du commissariat de police à Karusi et sont là pour enquête, dit-on au Service national de renseignement à Karusi. Les administratifs réfutent le rapport du HCR sur le nombre de personnes ayant fui le pays. Dans ce journal, vous avez suivi la réaction du maire de la ville de Bujumbura et des militaires se comptent parmi ceux qui ont quitté l'armée. Le pays, le porte-parole de la force de défense nationale, Gaspard Baratouza, nous a dit qu'ils ont leurs propres raisons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.